Proverbe chapitre 11. La fausse balance est une abomination à l'Éternel, mais le poids juste lui plaît. L'orgueil est-il venu, aussi est venue l'ignominie, mais la sagesse est avec ceux qui sont modestes. L'intégrité des hommes droits les conduit, mais la perversité des perfides les détruit. Les richesses ne serviront de rien au jour de l'indignation, mais la justice garantira de la mort. La justice de l'homme intègre dresse sa voie, mais le méchant tombera par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivrera, mais les perfides seront pris dans leur méchanceté. Quand l'homme méchant meurt, son attente périt, et l'espérance des hommes violents périra. Le juste est délivré de la détresse, mais le méchant entre en sa place. Celui qui se contrefait de sa bouche, corrompt son prochain, mais les justes en sont délivrés par la science. La ville s'égaie du bien des justes, et il y a chant de triomphe quand les méchants périssent. La ville est élevée par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Celui qui méprise son prochain, est dépourvu de sens, mais l'homme prudent se tait. Celui qui va rapportant, révèle le secret, mais celui qui est de cœur fidèle, scelle la chose. Le peuple tombe par faute de prudence, mais la délivrance est dans la multitude de gens de conseil. Celui qui cautionne pour un étranger, ne peut manquer d'avoir du mal, mais celui qui est ce qui frappe en la main, est assuré. La femme gracieuse obtient de l'honneur, et les hommes robustes obtiennent des richesses. L'homme doux fait du bien à soi-même, mais le cruel trouble sa chair. Le méchant fait une œuvre qui le trompe, mais la récompense est assurée à celui qui sème la justice. Ainsi la justice tend à la vie, et celui qui poursuit le mal, tend à sa mort. Ceux qui sont dépravés de cœur, sont en abomination à l'Éternel, mais ceux qui sont intègres dans leur voie, lui sont agréables. De main en main le méchant ne demeurera point impuni, mais la race des justes sera délivrée. Une belle femme se détournant de la raison, est comme une bague d'or au museau d'une truie. Le souhait des justes n'est que bien, mais l'attente des méchants n'est qu'indignation. Telle répand, qui sera augmentée davantage, et telle resserre outre mesure, qui n'en aura que disette. La personne qui bénit, sera engraissée, et celui qui arrose abondamment, regorgera lui-même. Le peuple maudira celui qui retient le froment, mais la bénédiction sera sur la tête de celui qui le débite. Celui qui procure soigneusement le bien, acquiert de la faveur, mais le mal arrivera à celui qui le recherche. Celui qui se fie en ses richesses, tombera, mais les justes reverdiront comme la feuille. Celui qui ne gouverne pas sa maison par ordre, aura le vent pour héritage, et le fou sera serviteur du sage de cœur. Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui y gagne les âmes, est sage. Voici, le juste reçoit en la terre sa rétribution, combien plus le méchant et le pécheur la recevront-ils ?